Évry court couronne et sonne. Grinissante la grande vente. On nique la justice, la police, le procureur de la République, la douane, l'armée de terre, l'armée de l'air, l'hélicoptère sanitaire, la police maritime. On nique même les pompiers, la politique. Encule Claude Vasquez, Manuel Valls, Julien Drey, un fou de la droite, de la gauche, la chatte à Ségolène Royal. Nique l'État, les policiers, nique les lois, nique les autorités. Bande de putains, vive la liberté. Contrôle le quartier, le contrôle l'identité. Des patrouilles sur le plancher. C'est la fête, paye ton cocktail, on va tout péter. Contrôle le quartier, le contrôle l'identité. Des patrouilles sur le plancher. C'est la fête, paye ton cocktail, on va tout cramer. Nique la police, la justice, Arachida. J'rase ma moustache comme Khaled dans 100% Arabica. Assassinat, on a la tiraille. Des Vriani, Zaïda, panique pas ici. Ça mitraille sur la flicaille. Tunisien d'une femme, musicien, physicien, technicien, tacticien, magicien. Écoute bien, tu peux rien quand je viens, je te préviens que des chiens. Je détiens le vrai bien des terriens, j'crée des liens. Harpage, black page, matraque, j'fracasse avec la coméra. Puis des malfrats, des bâtards, de l'arabe raga. C'est Alka qui clôt le débat. Vous êtes faits comme des rats, v'là les frères, grave vénère, faut pas que t'espères. Pensez pouvoir encercler méga des terres. Voilà. Nique les flics, les CRS et l'armée de terre. Les gendarmes, le GIGN et leur mère planétaire. Encule les forces de l'ordre, les serrures des coffres forts sortent dehors pour vendre toutes sortes de drogues. Exact. Dans le 9-1, toutes les villes doivent s'unifier pour sodomiser et humilier leurs justiciers. Contrôle le quartier, le contrôle l'identité. C'est la fête, paye ton cocktail, on va tout péter. Contrôle le quartier, le contrôle l'identité. Les patrouilles sur le plancher. C'est la fête, paye ton cocktail, on va tout cramer. Wesh up, monsieur le spect up, c'est quoi les 10 up? Tu veux que je baisse mon front? Mais t'es fou, j'ai déjà le bishop. Simple contrôle d'identité, ma bite, tu veux me light up? Un seul cheveu de mes couilles, et ce soir, on va vous jump up. Cherche pas à savoir ce qu'on cache en dessous des escaliers. Ne prends pas le risque qu'on t'attend, toi et ta femme, sur ton palier. Pardon? Tu veux savoir ce qu'on fume, c'est rien, c'est que du papier. 1000 € par mois pour se faire insulter, c'est mal payé. Police, viens pas faire le fou dans les quartiers. Police, tu sais qu'un uniforme peut m'exciter. Police, viens pas faire le fou dans les quartiers. Tu veux attraper un fou, faut être un fou allié. Police, et ça sent le four dans les quartiers. Police, la farine, le chocolat et la fumée. Police, on a la dalle grave, on veut graille du poulet. Viens, on va les buter, viens, on va les fumer. Police, dans le quartier. Le contrôle l'identité, les patrouilles sur le plancher. C'est la fête, paye ton cocktail, on va tout péter. Contrôle le quartier, le contrôle l'identité, les patrouilles sur le plancher. C'est la fête, paye ton cocktail, on va tout cramer. Pour tout le monde, ce soir je paye mon bidon d'essence. Pas de sentiments, monsieur l'argent, que de la violence. Que les uniformes bleus brûlent sous l'effet d'un cocktail. Soirée guet-apens, mes délinquants sortent de leur ruelle. Ce soir on graille du poulet. Les cagoules sont mises, on dit pas que tu nous reconnais. Il pleut sur ma ville, les véhicules sont caillassés. J'appelle le corps à corps, histoire de bien les tabasser. Ok, c'est grand point 3, CRS 0. Faut qu'à la bas que les stupes, ces fils de pute, faut que les favos. J'suis yombeux de camoufler mon joint avec une quête plate dans le coffre. C'est gros qu'on le trouve. Et on s'en va aller. Faut que leur convoque, leurs amants que je déchire. Ne m'auront plus qu'ils pleuvent, qu'ils vendent, que je transpire. Ma bite sur l'injustice, je ne changerai pas. Je reste deuil face à la police. J'aime.